la seule chose incompréhensible, incontrôlable et souvent irréversible. Il y a un trésor, il y a comme un truc. Choses incompréhensibles, incontrôlables et souvent irréversibles.